Section 74 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e. Section 74. Mars, par François Copé, de l'Académie française. Parfois, un caprice te prend, méchante amie, et tu me boudes, et sur le balcon tu t'accoudes, malgré l'eau qui tombe à torrents. Mais vois-tu, Mars avec ses grêles, à qui succède un gai soleil, chère boudeuse, et tout pareil à nos fugitives querelles. Tels ces oiseaux, pauvres petits, sous ce fronton, pendant l'averse, et telle ta bouche perverse, où des sourires sont blottis. Vienne un rayon, et la première, tu tourneras vers moi les yeux, et les oiselets tout joyeux s'envoleront dans la lumière. Fin de la section 74, lue par Margot.